Jennifer. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Laurent Constantin sera là pour nous verser un autre verre du globe en concentré et Stéphanie déversera la cargaison de nouveautés de notre discothèque avec le poste d'écoute. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 5 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hola, Stéphanie. Allô. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, à l'émission, le seul chroniqueur survivant, c'est Laurent Constantin, Steph. C'est qui s'est passé avec les autres? On a perdu Justine Renaud et Marie-Laurence Audet sur le chemin, je crois. Sur le chemin de l'amour. Ça, non, ça doit être le ça. Le chemin de Rome, peut-être, parce que tous les chemins mènent à Rome. C'est ce que j'entends dire aussi. Donc, Laurent va être là, mais aujourd'hui à 8h dans une case spéciale. Donc, attendez-le. Hein? C'est vrai qu'il est spécial, Laurent. Ah, ça va bien avec lui. À 9h, le poste d'écoute avec toi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ça, là, c'est moi qui vous mets de la musique. Juste de même, comme sans aucune raison. Là. Ben non, je vais fouiller dans les nouveaux arrivages de C'est fou et je vous sors le meilleur de ce qui est arrivé. Génial! Dans la semaine dernière. Génial! C'est à je fais le move de la boîte à 400 si jamais vous écoutez le tricheur. Ah, d'accord, non, c'est pas le cas du tout. Mais on va commencer avec 5 minutes, ça devrait répondre là dans quelques instants. Tu devrais quand même le savoir, t'as participé. Je devrais savoir avec les mains qui. Mais on débute en musique avec Tire le Coyote. Oh! Voici une nouvelle entrée du palmarès francophone, c'est À la fenêtre sur C'est fou. Dans vos oreilles. Complètement inacceptable une chanson si courte que ça. C'était ça? Inacceptable. C'était pas une chanson, c'était un intro, ça. J'attendais qu'il chante, moi. Mais on va écouter la prochaine d'après, juste pour le fun. Ma révolution tranquille. Oui, donc. C'est à un moment donné. J'ai l'impression d'entendre un peu, là. T'sais, laisse-nous donc sur notre fin. À voir. Si beau pays, je vise le poste de président. Révolution tranquille de Tire le Coyote sur l'album Panorama à Assemblage Requis. Ça, c'était plus comme une chanson, tu sais, complète. Oui, oui, avec des paroles puis tout. Des mots, des phrases, tu sais. Ça nous amène à lister les choses dans un ordre plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. Ça, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet précis. Aujourd'hui, Stéphanie, c'est un peu une liste de produits ou de personnalités de produits. On se demande si c'est des vraies personnes derrière ces produits-là ou si c'est des créations du département de marketing. D'accord. Intéressant, hein? Je l'aurais bien fait en forme de test, comme le site où je l'ai trouvé, mais il y a des produits que tu ne connaîtrais pas là-dedans, fait qu'on va les sauter ou en parler très rapidement. C'est bon, ça? Mm-hmm. Hein? Donc, si tu regardes dans tes armoires, sur des tablettes, peu importe, tu vas trouver des produits et peut-être que tu penses qu'ils sont basés sur des vraies personnes qui ont vraiment existé, mais plusieurs fois, non. C'était le département du marketing. Hey, j'espère que tu vas pas comme briser certains de mes rêves, là. Probablement. On va commencer avec Betty Crocker. T'sais, je vais te demander quand même, est-ce que tu penses que Betty Crocker est une vraie personne ou une création de département de marketing? Non, c'est pas une vraie personne. Ben, c'est une vraie personne. En fait, la fille, ses images, j'imagine que c'est une vraie personne. Mais je pense pas que c'est elle qui a inventé les produits Betty Crocker. Okay. On retient ta réponse. La partie Crocker du nom vient d'un exécutif chez Washburn Crosby Company en 1921, alors que la partie Betty de la marque célèbre a été créée comme ça dans les airs pour être proche du peuple, proche de la personne qui va acheter le produit. Hein? Proche du peuple. Pour le peuple féminin, en fait. Il y a personne qui s'appelle Betty. Ben dans les années 1920, peut-être. peut-être. Donc, c'est un concours par la poste, le Gold Medal Flower Mail-In Contest du Saturday Evening Post qui a déterminé le nom, le prénom Betty. Intéressant. Oh! Ensuite, Chef Boyardee. Ça, j'espère que c'est pas vrai, parce que si tu oses t'appeler chef et faire des nouilles en canne, je ne te respecte pas. Steph, tu as tort! J'ai pas dit que c'était pas ça, j'ai dit j'espère que d'accord. C'est pas ça. Ah, tu, c'est un peu c'est au quiz, le genre à Jeopardy, là, tu vas dire à l'animateur, j'espère que c'est sa réponse, mais pas sûr. Ben, ça marche pas, ça, c'est un oui ou non. J'ai pas dit que j'étais pas sûr. Okay. L'épellation est différente, mais la ligne de nourriture en canne a vraiment été nommée en hommage à son créateur, Ettore Boiardi, B-O-I-A-R-D-I. Qui n'a pas changé l'appellation de son nom de famille quand il est arrivé en Amérique de l'Italie quand il était adolescent, mais utilisait la phonétique en dessous de son nom, donc Boy R-D, B-O-Y-A-R-D-E-E, pour vendre ses produits aux gens aux États-Unis. Et finalement, on a fini par transférer ça vers son vrai nom. Ben, en fait, mais je pense que c'est normal parce qu'il n'y a personne qui aurait été capable de le prononcer adéquatement. B-O-I-A-R-D-I, non, pas vraiment. Bird Eye. Burley! Sarah Lee! Comme on est! Sarah Lee. Steph. C'est qui ça? Sara Lee, les produits de pâtisserie, etc., non? Je ne connais pas. Tu connais pas Sara Lee? Non. Donc, Sara Lee Lubin a fait du pain aussi, qui n'a pas créé cette ligne de gâteaux au fromage et autres pâtisseries comme ça. C'est son père Charles Lubin qui a créé ça et a nommé la compagnie en son honneur. Ensuite, Juan Valdez. Connais-tu Juan Valdez? Non plus. C'est du café. Donc, des portraits de Juan et de sa mule Conchita sont sur les cannes de café Juan Valdez depuis les années 50. Peut-être qu'avec une image, peut-être que je l'ai déjà vu. T'sais. Probablement, tu l'as déjà vu en quelque part dans des films, quelque chose comme ça. Mais le visage de la National Federation of Coffee Growers of Colombia n'est qu'une fiction créée pour dénoter que le produit utilise seulement des grains de la Colombie. Scandale! Ensuite, scandale. Tu connais Totino's? Les petites pizzas? Ça me dit vaguement quelque chose. Totino's Pizza Roll, il y a pas qu'à la faire comme ça dans le secteur congelé de ton épicerie. Donc, Totino's, ça peut être l'air de nom de famille qu'on pourrait ajouter de façon complètement fictive sur une pizza. Je trouve pas, moi. Tu trouves pas, non? Ça a l'air d'un nom. Ben, c'est pas commun. C'est pas très commun. Ouais. Mais c'est en effet le nom du fondateur de la compagnie, Rose Totino's. Donc, une fille, probablement une femme. Ben, je sais pas, des fois... Monsieur pas, Rose. Quoi? Ah, là, celui-là, tu n'as pas le choix de connaître, c'est Aunt Jemima. Ben oui, Aunt Jemima, fais-nous donc des bonnes crêpes. Y a-tu ça? Je suis pas capable de les faire aussi belle que ça boit. C'est crampe en masse, tu chantes ça. Waouh, ça devrait être drôle. Mais je l'ai tout le temps dans la tête. C'est quand même une bonne chanson. Donc, Aunt Jemima, son nom est fictif. Et certains disent que ça a été pris d'un personnage dans un spectacle du 19e siècle. Mais les créateurs de ce mélange à crêpes et les produits subséquents ont utilisé de vraies femmes pour jouer Jemima pendant des décennies. En fait, l'année passée, des descendants de certaines de ces femmes ont poursuivi Quaker Oats, qui fait maintenant partie de PepsiCo, pour ne pas avoir promis, ben, en fait, ne pas avoir donné l'argent promis à ces visages sur les produits-là. Ou en tout cas, pour ne pas avoir fait des produits aussi bons. Ça dit failing to live up to promises made to these faces of the product. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ne pas avoir fait ce qu'il était supposé faire. Ouais, je comprends. Genre. Ensuite. Oh, ma tante Jemima. Ma tante. Jemima quelque chose. C'est pas dans les pierres à feu, ça, Jemima. Jemima! Tac, ça apporte à la fin du générique. Exactement. Duncan Hines, connais-tu? Ben oui. C'est les gâteaux, là. Exactement. Moi, je dis, je suis sûr que c'est un vrai gars. Ben, dans Maman, j'ai raté l'avion, il y en a un qui s'appelle Duncan, puis je me suis attaché, je l'ai associé au gâteau, je suis sûr que c'est une vraie personne. C'est un butler, genre un majordome. Non, c'est un vendeur de jouets. Ah. Tu connais pas le monde merveilleux de Duncan? Je me souviens pas du nom du magasin, c'est un super magasin de jouets. Ça fait longtemps de ça. Mais Monsieur Hines, tu serais heureux d'apprendre, tu es une vraie personne. Yes! Il était dans sa 70aine quand il a commencé à vendre ses premières pâtisseries. Oh! Il a démarré à la compagnie qui, depuis ce temps, porte son nom. Avant de commencer à vendre la nourriture, il la cotait. Il compilait des critiques de restaurants pendant ses années en tant que vendeur voyageur, vendeur sur la route, si on veut. Il a transféré ça dans un livre qui s'appelait « Adventures in Good Eating ». Ensuite, on vient avec... je vais sauter quelques marques qu'on connaît pas. Allons-y avec Wendy's, le restaurant Wendy's. T'as sauté Genio! Tu connais Genio? Ouais, dans Biggest Loser, ils leur proposent souvent des produits Genio. Ok, Genio, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Ok. Oui, en fait, ta réponse est en partie bonne, même si c'est pas la personne qui a créé le produit. Mais tu vas voir. Mais c'est associé avec une vraie personne. Donc, c'est des produits de la dinde. Hein? En 1953, un homme du Minnesota, Earl Olson, a décidé de renommer sa compagnie de processing de dinde en honneur de sa fille, Jenny. Oh, c'est cute! Jenny O pour Olson, donc O-L-S-O-N. Mm-hmm. Ça dérange pas que Auntie Anne's et Francisco Rinaldi, on les fasse pas, je les connais pas du tout. Non plus. Denise, c'est une chaîne de restaurants aux États-Unis, on connaît pas vraiment Denise. J'entends souvent Denise. Non, c'est Denise. Il y a un apostrophe. Denise. OK. Wendy's. Connais-tu Wendy's? Je connais Wendy's. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est pas une vraie personne. C'est pas une vraie personne? Hein? Outrage. C'est ça? Attends un peu. On va y aller. Donc, pour les historiens du fast-food, le fondateur de la compagnie, Dave Thomas, a clarifié qu'il avait nommé la chaîne de hamburger après le surnom de la famille pour sa fille Wendy. Donc son nom, son vrai nom donné est plutôt Melinda à sa fille. Mais son surnom dans la famille, on l'appelait Wendy. Qui dit? OK. Qui dit, Monsieur Thomas? C'est un peu l'équivalent à poche de Genio. C'est un peu ça. D'ailleurs, Wendy, la fille de Dave Thomas, qui est présentement, ben, pas sa fille en réalité, mais un personnage qui joue le rôle de Wendy, est dans les publicités de Wendy's en ce moment. Mais c'est évidemment pas la fille de Dave Thomas, c'est juste une actrice rousse ouais, super cute. Ouais, ouais, c'est de la masse. C'est un peu de la masse. C'est un peu du marketing, c'est ça, le but même du quiz sur est-ce que tu vrai ou suis-tu des affaires de marketing. C'est ce qu'on faisait dans son foutu palmarès. Voilà. Cool! Ouais! J'aime ça qu'on éclaire ce genre de truc fondamental comme peu. Ça. Des affaires importantes, comme on dit. Ouais. On s'en va entendre Samantha Savage Smith, qui j'espère a été nommée en l'honneur de Samantha Savage Smith. Voici It's a Burn au 89 FM, c'est fou. Samantha Savage Smith et It's a Burn à Assemblage Rookie. On était dans son foutu palmarès. Retournons-y quelques instants. Replongeons-nous cette fois-ci dans un petit palmarès, une liste de twists sur jeu Monopoly, Steph. OK. On aime les jeux de société une fois de temps en temps. C'est toujours amusant. L'amusant, comme on dit. Le fun. Donc en français, l'amusant, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. J'imagine. Donc ça fait 75 ans que Monopoly existe, jeu de Parker Brothers. Monopoly qui a donc inspiré un paquet de dérivés. La plupart sont sous licence par Hasbro, mais aussi plusieurs versions excentriques ou non autorisées. On va en lister quelques-uns grâce à mentalfloss.com. Commençons par Bibleopoly. Steph. Ouais, un jeu de plaisir et de religion, ce qu'on appelle en anglais faith, donc avoir confiance en un dieu quelconque. Donc c'est un jeu biblique de plaisir et de confiance en Dieu, qui prend les règles du Monopoly d'origine et augmente ça un petit peu. À la place de construire des maisons, tu vas construire des églises, bien sûr, je pense que ça c'était assez évident. À la place d'aller en prison, tu vas aller en méditation, bien sûr. Toutes les propriétés sont remplacées par des villes bibliques. Les quatre chemins de fer sont remplacés par quatre abysses. C'est un peu des chemins de croix. Des chemins de croix, OK. Non, ça aurait pu. Ok, ça aurait pu. Chance et communauté sont remplacés par faith et contingency. Ben, t'sais. Certaines cartes vous forcent à réciter des versets de la Bible ou sinon perdre un tour. Si t'arrives sur une ville où il y a un autre joueur qui construit déjà son église, tu ne paies pas de loyer, mais à la place, tu dois plutôt faire une offrande. et bien sûr. Ah, Colin, ils ont manqué leur opportunité. Ils ont une opportunité ratée. À la place d'avoir l'espace go, ok, t'as l'espace au commencement. T'aurais pas pu avoir l'espace God à la place? L'espace God, hein? Ouais, mais c'est parce que c'est pas une caricature là, qui font Monopoly, là. C'est pas rire d'eux, hein? C'est ben ça. Non. Mais ça arrête pas pire. Tu passes Dieu, puis tu récoltes 200$, tu sais. Je sais pas. Ou tu lui donnes 200$. Tu passes à Dieu. Une petite passe, ouais. Et tu donnes 200$ pour comme un don à l'église. Wow. Je verrais tellement Ned Flanders jouer à ça. Oui, vraiment, là, c'est vraiment c'est son genre. Donc, description du jeu sur le site web de l'éditeur a l'air directement sorti de la maison de Ned Flanders. Justement, dans Babel Play, tu gagnes en détruisant tes ennemis. Tu vas seulement gagner en... Non, tu peux pas gagner en détruisant tes ennemis. À la place, tu veux gagner en assistant. Ton prochain, si on veut. Ensuite, sur la liste des twists obscurs du Monopoly, le Homonopolis. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que tu veux deviner ce que c'est? Mais là, non, dis-moi pas que c'est l'homosexualité. C'est là. Sur l'homosexualité, ça? Non, voyons donc. Je te jure. Non, c'est une version hollandaise de Monopoly, version gay. On appelle ça « The Most Gayotic Game ». Hein? Homonopolis, qui est joué sur un triangle rose. Ben là. Ben oui. En utilisant des morceaux qui ressemblent aux lumières de rue d'Amsterdam. Je pense que c'est les Red Light District, je pense, ça a rapport avec ça. Mm-hmm. Ok, mais là, ça serait pour les femmes aussi. Si on sentait le triangle rose, c'est très féminin, là. Ouais, mais à l'époque, le triangle rose, c'est, je crois, nazi, c'était pour dénoter l'homosexualité à l'époque. Donc, sûrement que de nos jours, ça a changé un petit peu. Le triangle rose. Le triangle rose. Ah, ouais. Ouais. Donc, les joueurs vont sauter sur des espaces qui vont représenter les clubs et les bars gays de la ville. Ou en tout cas, ceux qui étaient là dans le milieu des années 90. Lorsqu'un autre joueur arrive dans un club dont tu es déjà propriétaire, tu vas vouloir leur charger le plus cher possible. Tu peux aussi acheter des barkeepers et des backrooms. Donc, backrooms, des places à l'arrière où tu peux aller faire des petites foleries. Donc, le jeu est délibérément kitsch un peu, jusqu'à la texture rose, ben la teinte, la nuance de rose. Donc, les parties les plus risquées de l'Homonopolis, c'est le SM Cellar qui remplace la prison. SM, c'est du sadomasochisme. Et pour le nom Homopolis, ça veut dire ville gay. Pourquoi le nom dans le milieu? Ben, c'est que selon le site web de la compagnie, c'est une référence... Pardonnez-moi. C'est une référence au fait que Amsterdam est une ville et non pas une cité. Town and not city. Genre. Wow. Donc, no police, comme dans pas une ville, pas. C'est quoi la différence entre town et city? Je pourrais pas. Ville ou village, ou je sais pas. Ben, ça dit que c'est une joke locale, là. Fait qu'on s'entend que ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'est ça, une joke locale. C'est comme. Non, c'est pas une ville, c'est un village. Ouais, genre, ça ressemble à ça. Je pense que là, c'est le contraire, mais ouais, c'est pas un village, c'est une ville. Ou non, c'est ça, c'est une ville. Ben, non, ben, je disais pas nécessairement pour là, là. Mais t'as pas mal touché le point sensible. Donc, le nom est supposé être un jeu de mots sur Monopoly et un porte-manteau qui définit Amsterdam comme la non-ville gay. Voilà. Ensuite, l'anti-Monopoly, Steph. OK. L'anti-Monopoly. Voilà. Donc, les amateurs de jeux de société détestent ça quand les gens essaient de changer les règles, de jouer selon leurs propres règles. Mais donc, dans anti-Monopoly, ça fait partie du but. C'était inventé par un professeur en économie, Ralph Anspach. Donc, dans ce jeu-là, les joueurs sont divisés en compétiteurs et monopolistes. Pour gagner, il faut être le compétiteur le plus riche après que tous les monopolistes aient été mis en banqueroute ou en faillite ou vice-versa. Donc, c'est un côté qui va gagner et non pas l'autre. Dépendant du genre de joueur que tu es, tu vas devoir observer différentes règles. Par exemple, atterrir dans un coin nord-est va envoyer les monopolistes en prison et les compétiteurs à la Price War, la guerre des prix. Alors que dans leur équivalent de la prison, les compétiteurs, eux, vont pouvoir continuer de ramasser du loyer, alors que les monopolistes ne pourront pas. Là, ça a l'air super compliqué. Hey, ça a l'air vraiment compliqué. Je comprends absolument rien. Là. C'est que ce l'est. Moi non plus, j'ai traduit littéralement les phrases et je comprends pas plus. Est-ce qu'on s'entend que Monopoly de base... Quand tu joues comme faux. Je me perds. Quand tu joues comme faux. Personne ne joue comme faux, on va se le dire. Ben non. Il y a tout le temps des règles qu'on met de côté. Mais là, il y en a qui disent hey, ouais, mais quand tu fais ça, telle affaire, là. Puis t'es comme what? Fait qui que a là, joué tu comme perds ça? 15 minutes à aller lire les règlements parce que l'autre, il veut que ça passe, ça. Ah, c'est de la merde. Tellement. Je suis bien d'accord avec toi. Les maisons qui se transforment en hôtel, puis je sais pas trop ce que c'est. Techniquement, ce jeu-là est un anti-Monopoly 2, parce que le premier jeu à avoir été appelé anti-Monopoly a mené une bataille légale qui a duré 10 ans entre Hans Pasch et General Mills, qui était propriétaire de la marque Monopoly à ce moment-là. Le professeur a perdu deux fois dans les cours, les plus petites cours, avant de se rendre aux plus hautes cours. C'est quand même drôle, un professeur qui perd dans un cours. Drôle, oui. Donc, il était en appel deux fois. Éventuellement, il a amené cette bataille-là devant la Cour suprême. Et après, le SCOTUS, il y a un mot pour ça. Comment on appelle ça? C'est pas une maladie du scrotum, ça, le SCOTUS? Le SCOTUS, non, c'est la Cour suprême des États-Unis. Okay. C'est juste les initiales. Même affaire. Donc, ils ont choisi de faire gagner M. Hans Pasch. Donc, en 1984, Anti-Monopoly avait vendu un demi-million de copies. Par contre, le jeu était beaucoup trop confus, donc Hans Pasch a révisé les règles et a publié Anti-Monopoly 2. Ah. Ensuite, il a écrit un livre par rapport à la bataille légale contre Monopoly et l'historique de Monopoly. Pour faire de l'argent. Faire de l'argent, mais j'avoue que c'est un livre que j'aurais envie de lire. Ça. Pour payer les frais d'avocat. Genre. Ensuite, le Ghetto Poly. Le Ghetto Poly. On dirait un pizza Getty, genre. Donc, Ghetto Poly, c'est probablement la version, en tout cas, dans les amateurs de jeux de société, la plus connue des Monopoly sur la liste. Ouais, vendu chez Urban Outfitters à partir de 2003, Ghetto Poly a transformé la planche originale de Monopoly en une version stéréotypiquement ghetto, avec fusil, ballon de basket et feuilles de marijuana un petit peu partout, en fait comme pion dans le jeu. Le jeu donc s'inspire de l'imagerie afro-américaine, évidemment, on fait objection à ces affaires-là dans le jeu, par exemple le hustle et le ghetto stash à la place de community et chance. Ça disait des choses comme vous avez été élu pimp de l'année et joué à chaque. Non, ça dit pay each player 50 bucks. C'est pay each player, comme genre dans le jargon afro-américain. Donc, la menace d'une campagne de boycott menée par la NAACP et les clergés noirs partout au pays ont convaincu Urban Outfitters d'arrêter de vendre le jeu. L'inventeur David Chang maintenait qu'il n'essayait pas de propager les stéréotypes, mais à la place riait de ces stéréotypes-là. Je sais pas si c'est une meilleure chose, tu sais, comme c'était positif là, de rire des stéréotypes. Pas sûr. Pendant un certain moment après, Chang vendait le jeu lui-même en même temps que sa suite, Redneckopoly. Non, je veux jouer à Redneckopoly. Ça, j'avoue que c'est tentant. Par contre, Hasbro a réussi à poursuivre Chang pour infraction de son droit d'auteur. Mm-hmm. Il a pas eu le droit après ça de vendre des jeux avec le suffixe Opoly. Entre autres, sa suite qui était prévue, Hoodopoly, Thugopoly et Hip-Hop-Hopoly. Hippopopoly. Hippopopoly. Oui, exactement. C'est sûrement Hungry Hippopopoly. Hey, c'est fun. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, Franklin Mint Collector's Edition Monopoly. C'est un peu compliqué, ça, là. Si t'as assez d'argent pour acheter un vrai hôtel ou construire un hôtel à Atlantic City, peut-être que t'aurais assez d'argent pour acheter ce Monopoly-là. C'est un Monopoly dans une boîte en bois de luxe, avec donc une planche luxueuse, le centre duquel est ligné d'un beau petit... plancher vert, un peu comme dans les casinos, là. Feutre vert, je pourrais dire. C'est ça, vous allez laisser faire les billets de 10 et les billets de 20. Parce qu'il y a des billets beaucoup plus élevés que ça. Bien entendu. Il y a un beau tiroir à argent qui lui aussi est rempli de feutre. Ça doit être beau. Ça doit être vraiment beau. On tire avec une poignée dorée. Avec le célèbre visage de Monsieur Monopoly dessus. Monsieur Moneybags, je crois que c'est son nom. Je sais pas. Ouais, et puis c'est ça. On utilise un portfolio de attends un peu. Ah, il y a même un cahier des places à acheter, là, genre, c'est tout décrit, les descriptions des hôtels. C'est ce que j'en comprends. Le texte est un petit peu plus compliqué que les autres paragraphes. Les maisons sont toutes trempées dans de l'argent et les pions de jeu sont plaqués 24 carats. Hey, mais là, c'est... tu sais, quand tu veux over jouer au Monopoly? Là. Vraiment, là, quand t'es vraiment passionné. Community Chest et Chance Cards se sont elles aussi décorées avec une couverture en or. Et le design du jeu est vraiment unique, mais on joue... on joue pas avec de la vraie argent, mais la vraie édition Franklin Mint Edition coûte 595$ ou 3 paiements faciles de 198,33$ selon le site web de Franklin Mint. Ça, c'est sans inclure 90$ pour les plaques de vitre qui peuvent recouvrir le jeu. Et quand le jeu est sorti dans les années 80, le Mint vendait aussi un stand de 300$ et des chaises Monopoly pour 100$ chaque. Plus de 100 000 ensembles ont été vendus. Waouh, wow, mais il y en a donc bien du monde riche qui savent plus quoi faire. Ça se peut pas, hein. Et ça, c'est dans les moins chers, il y en a d'autres. D'autres ensembles de Monopoly qui avec du cuir et des rubis, tout ça pour 25 000$ ou même autant que 100 000$. Ridicule. Ensuite, on passe à Petropolis, la variante du Monopoly design de l'aristocrate français Arnaud de Rosnay, qui lui trouve sa niche dans l'huile. Donc, les règles... pardon, je sais pas, ça va vraiment avoir de la misère quand je parle aussi longtemps que ça. À un moment donné, j'atteins un point où je suis plus capable de continuer. T'sais. Donc, il y a Petropolis, il y a ensuite Monopoly et Waropoly. Je vous laisse aller lire les détails sur assemblagehockey.com. Voilà. Je prendrais bien le relais, mais ça risque d'être long, ben, moi, de traduire systématique. Je suis désolé de pas pouvoir faire des plus longs blocs que ça, mais je vous récompense. Je compense, en fait. Je compense et je récompense en même temps en écoutant Jean Leloup avec une pièce de son nouvel album à Paradis City. Voici les Flamants Roses. 89 FM, c'est fou. Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Flamants roses volent dans le ciel encore et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Malgré les morts gisant dans la poussière, les flamants roses éclatent de lumière. Comme les montagnes s'allume dans le noir, sous la lueur lunaire, dans la neige du soir. Quand les corbeaux se meurent pour un bout de terreur, les flamants roses s'en vont vers le soleil. Les Flamants Roses de Jean Leloup sur l'album à Paradis City. Si vous aimez Jean Leloup, écoutez le Dîner de con. On va vous en jouer tous les jours cette semaine. Oui, j'en ai entendu. Pas mal sûr. C'est bon. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On était tantôt dans son foutu palmarès. Tant qu'à attendre Laurent Constantin, on va continuer avec la liste qu'on a commencé tantôt. On était dans le top des twists de Monopoly, des twists obscurs sur le Monopoly. On était rendu à Petropolis, donc design de l'aristocrate français Arnaud de Rosnay, qui donc gère, lui, de l'huile dans ce Monopoly-là. Le livre des règles a des photos des chics et des 30 maîtres de l'huile, des Oil Tycoons. Donc à qui Rosny a envoyé des éditions spéciales de son édition de collection finalement. On débute à l'aéroport de Genève, au centre de la planche. Les joueurs vont voyager dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vers l'extérieur, et ensuite revenir à l'intérieur, sautant de pays en pays et de continent en continent. Tout l'argent a le slogan « In oil we trust », donc nous avons confiance en l'huile. Et à la place d'avoir des maisons et des hôtels, les joueurs vont ériger des oil rigs, des trucs pour driller, pour avoir du pétrole. Uh-huh. Voilà, les cartes de chance s'appellent les Telex Cards. Et c'est des problèmes que les barons de l'huile doivent gérer régulièrement. Par exemple, le radar de votre jet privé ne fonctionne plus, vous manquez un tour, etc. Oh. Et la prison, c'est l'équivalent qui est le tribunal de Hag. H-A-G. Ensuite, le Homonopoly. HMO Napoli parle de soins de santé finalement, comme un HMO c'est les assurances aux États-Unis, assurance santé. Donc tu vas à la place de construire des propriétés, de construire des résidences, les joueurs vont essayer de devenir le fournisseur de soins de santé le plus dominant de la planète. Ça a l'air très amusant. Cette variante de Monopoly est gratuite en ligne, donc vous pouvez pas jouer en ligne, mais il y a un site web qui va où on peut imprimer des segments de la planche et coller ça par-dessus une planche de Monopoly régulière. Donc tu vas coller ça par-dessus ta planche de Monopoly. C'est n'importe quoi. Ouais. Donc tu vas pouvoir faire un hostile takeover des hôpitaux de tes amis. Et si tu atterris sur l'espace d'un autre joueur, tu peux faire différentes affaires. Donc tu peux rouler des... si tu roules un dé double, tu vas pouvoir voler l'argent des autres joueurs. Et si tu roules 2-6, tu vas pouvoir prendre tout leur argent dans les hôpitaux. Et finalement, le Waropoly. Donc il faut mentionner Waropoly, qui est discuté dans un article sur Mental Floss qui date de 2007. Donc en bref, les soldats britanniques utilisaient Monopoly pour s'échapper des camps de prisonniers de guerre allemands. Comment? C'est que le service britannique secret envoyait des boîtes de Monopoly dans des emballages de la Croix-Rouge. Avec des articles comme une boussole magnétique, et une lime à ongles déguisée en pion de jeu. Ouais. Il y avait aussi des cartes de la région, du camp prisonnier et de la vraie argent pour aider les prisonniers à s'échapper de ça. Donc c'était emballé dans des boîtes de la Croix-Rouge. Vraiment une idée intrigante. C'est spécial. C'est particulier. Je suis content de l'avoir fait, celui-là, c'est à date mon préféré. Waropoly! Ben c'est, je te dirais, le plus pertinent. Celui qui sauve des vies, c'est pas mal celui qui va gagner tout le temps. Mais je te dirais, j'ai un coup de cœur pour le Biblopoly. Biblopoly, oui, exactement, le meilleur, le tout premier qu'on a fait au début de la liste. T'sais, on s'entend, on aurait quand même du fun à jouer au moins une fois à celui-là. Pour rire de la religion, en effet. Ouais, surtout que moi, en étant mormone... Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça me fait beaucoup rire, le catholicisme. Là. Oui, c'est les affaires. Quelle drôlerie. Voilà pour son foutu palmarès, là c'est vrai, on a terminé. On va prendre la pause, on est dû à 10 minutes de délai. J'essaie, mais je suis pas capable, elle me glisse entre les doigts. Oh, la bloc y arrive! Et au retour, si tout va bien, Laurent Constantin et le globe en concentré. Non! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 5 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Ben clairement, je pense qu'on n'est pas dû pour avoir Laurent ce matin, ou en tout cas pas pour l'instant. Au pire, c'est pas mon problème, il attendra parce qu'on doit parler de gadgets. Je ne peux pas m'empêcher plus longtemps. Ben non. Si ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la collecte des gadgets ridicules à acheter sur Internet. Tous les liens sur assemblagerequis.com, mais vous pouvez suivre avec nous si vous le voulez. Steph le fait. Donc, si Steph le fait, c'est que c'est bien bon, hein? C'est bien bon. Des fois, peut-être, Steph, trouves-tu que tes mollets ont pris du poids, mais juste tes mollets? Tu trouves que je suis mollette? T'es mollette pas mal, je trouve. Donc, il faut que tu t'achètes ces CAF Slimmers. C'est comme des trucs qu'on met sur les bras pour essayer d'empêcher que ça fasse du gigotement en dessous du... Ouais, le gras de babaye, mais souvent, c'est juste le triceps qui se promène. Le Michel Richard, qu'on appelle. le Madonna, je pense qu'on appelle aussi des fois dans certains marchés. Donc bref, okay. C'est les Calf Slimmers qui vont vous permettre de vous promener et de ne pas avoir honte de vos mollets qui se promènent de tous les côtés. Ben, coudonc. C'est ça. C'est juste ça. Moi, mais tu mets pas ça genre avec rien par-dessus. Non, non, non, non. Tu mets ça en dessous de tes pantalons ou autres vêtements. Ben, si t'as des pantalons, tu vois pas tes mollets qui se promènent, non? Non, mais peut-être que quand tu marches, t'as un petit peu de ballon. Tu sais, de... Ah, OK. C'est ce qu'ils disent. Ensuite, on va aller avec... Oh, j'ai envie de passer à l'autre après. L'autre après encore. Mais voyons. Ah, tiens, oui. On y va avec le TV Rock. TV Rock, qu'est-ce que c'est TV Rock? Oubliez la Pet Rock, qui était la petite roche de compagnie qu'on pouvait s'acheter dans les années folles, où les gens avaient ça comme gadget. Les années folles. La TV Rock, c'est un morceau de Ulexite, a.k.a. donc de l'Hydrated Sodium Calcium Borate Hydroxide, aka la Television Rock, qui va projeter naturellement une image de ce qui est placé en dessous sur sa surface. Donc, cette petite structure de fibre d'ulexite agit comme de la fibre optique qui permet de transmettre la lumière à travers une réflexion à l'interne. Hein? Est-ce que ça veut dire quelque chose, tout ça? Non. Donc, c'est comme de la roche transparente et tu peux voir au travers de ce qui se passe en dessous. Tu comprends ça? Mais comment je dirais bien ça? Ça sert à rien? Ça sert absolument à rien. Un peu comme la Pet Rock. Ouais. C'est un gadget. Tu peux la flatter. Tu peux la flatter, ben l'aimer. C'est ça. L'aimer. La cajoler. T'as vu qu'il y en avait une USB aussi? Une Pet Rock USB? Ben ça peut être agréable. Ça fait rien de plus, là. Mais t'as la branche dans ton ordinateur. Mais c'est USB. Et USB. Quand c'est USB, c'est gagnant. Ensuite, on se demande tout le temps quoi rendre intelligent de plus dans la vie. Tout est intelligent, hein, de nos jours. Stridalizer. Même les roches. Hein, même les roches sont intelligentes. Ça va amener de l'intelligence à vos souliers de course, Steph. Ah, ça peut être intéressant, par contre. Oui. Parce que le reste, c'était tout de la... À date, c'était un peu n'importe quoi. Donc, ceux qui courent pour aller prendre l'autobus, peut-être, hein? Uh-huh. Peut-être, mettons. Donc, tu vas jogger jusqu'à l'autobus, de temps en temps. Donc, les coureurs, comme moi, mettons, qui sont coureurs pas trop souvent, c'est-à-dire juste quand à tu vas courir. Partiel. C'est ça, quand tu vas courir parce que t'es obligé, vraiment, clairement. Donc, peuvent développer de mauvaises habitudes. Ils n'apprendront jamais les bonnes habitudes. Mm-hmm. Donc, c'est des semelles qu'on insère dans ses souliers, les Stridalizer, qui vont vous donner des données. Les données qui manquent pour analyser votre cadence, votre course, et développer une méthode plus efficace de se bouger. Oui, ça existe, bien courir, apparemment. Ben oui. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, pour ceux que ça intéresse, c'est le Stridalizer. Une fois à l'intérieur de vos souliers, les semelles vont mesurer la pression du pied avec une variété de sensors, et ça va développer une image de votre pas de course. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est dispendieux? En fait, on te demande $75 sur Kickstarter pour avoir ta propre paire. Et c'est un choix de Kickstarter en ce moment. Meilleure invention de 2015, selon MSN News. Bravo à meilleure invention de 2015. Rien de moins. Article qui date littéralement du 12... Non, c'est pas vrai. Ça date du 9 décembre quand même, cet article-là. Ouais, mais pourquoi de 2015? Parce que ça va sortir en 2015, probablement. Ça va sortir en 2015, ouais. Parce qu'on s'entend, on est quand même, je te dirais, dans les premiers balbutiements de 2015. Et à l'époque où c'est sorti, ça, c'était même pas encore 2015. C'est ça, mais bref, voilà. Donc, vous allez savoir à quelle vitesse vous courez, etc., etc. Vous allez savoir, par exemple, si votre talon est peut-être un peu trop... Ouais, si tu mets pas la pression au bon endroit sur ton pied, tu vas savoir si ça te... Mais des mauvaises pressions sur les articulations et tout ça. Des mauvaises intentions. Tu prends des mauvaises intentions à tes talons. À tes genoux. Hey, quel drôle de hasard, parce que je m'en rappelle pas. Pour vrai, je te jure, ça existe. Là, c'est rendu qu'on la fait plus parce qu'on a des chroniqueurs qui nous sortent par les trous de narines. On fait plus jamais, ça existe bien souvent. On l'a fait n'importe quand. J'ai des liens qui datent du mois de décembre et je me rappelais pas que j'avais littéralement mis la USB Pet Rock dans mes liens. Et on est rendu là, j'imagine. Et on est rendu là, la USB Pet Rock. Pourquoi est-ce que ça a de l'USB? Ben, c'est parce que Colin, c'est un upgrade par rapport à la Pet Rock originale. Faut bien lui ajouter quelque chose. Hein? Donc, mais elle est tellement attachante. Elle est vraiment cute. C'est la Pet Rock avec une laisse. Une laisse USB. C'est pas génial, ça? La Pet Rock est en fait de retour, le cadeau parfait pour la personne qui a déjà tout. Et c'est une reproduction fidèle de la roche des années 70 qui vient avec tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre Pet Rock. Et ça vient même dans une petite boîte avec des trous dedans pour les laisser aspirer. Oh, ben oui, pas que ta roche manque d'air. Ça coûte combien? Ah, ça coûte seulement $13, Steph. Hey, c'est tentant. 12,95$. Tu peux même l'avoir là, avec du shipping gratuit si tu cherches un peu. Puis sûrement si tu cherches sur Amazon.ca, tu peux aussi l'avoir avec shipping gratuit. Très fun, hein? Une petite roche à péter de même. On devrait. Et Colin Steph est coté 5 étoiles par 19 personnes. Et un total de 2 personnes ont coté moins de 4 étoiles. Mais voyons! Pourquoi ne pas l'acheter? Tout le monde dit 5 stars Space Gifts. On s'entend que... tu sais, ce qu'ils disent, ils respectent leurs attentes, là. C'est vrai, il n'y a aucune fausse promesse, contrairement aux politiciens de nos jours. Tu le sais que c'est juste une roche. Et voilà. Ensuite, continuons avec une brosse à dents de charbon qui va mieux nettoyer votre bouche, en tout cas mieux que la compétition. Il y a des gens qui disent que le charbon fait des choses magiques dans la vie. Oui, du barbecue. Entre autres. Benjotten Charcoal, c'est du charbon poreux du Japon qui naturellement va enlever les odeurs déplaisantes de l'air, va régulariser l'humidité, va absorber tout ce qui est chimique, va dissiper un champ magnétique, générer des ions négatifs bénéfiques. Il va être utilisé dans tout, de la cuisine à la purification de l'eau. Tabarouette au vidange, le pur noisetier. Mais hein, Marcel Lebeuf, fuck you, go to hell. Arrête, tu peux pas dire ça à Marcel Lebeuf, il est tellement inoffensif. Sacrilège, hein? J'ai pas le droit d'utiliser le nom de Marcel Lebeuf en vain, comme on dit. En vain? En vain, comme une vain. De Marcel Lebeuf? You're so vain, comme dit la chanteuse. You're so vain, Marcel Lebeuf. donc, étant donné que ça fait tant de grandes choses, c'est pas une surprise de voir ça intégré dans les petits poils d'une brosse à dents. Pour nettoyer les parties les plus sales de votre corps, la Morita Benchotten Charcoal Toothbrush est noire. Il va apparemment enlever la plaque, à empêcher la mauvaise haleine et prévenir en fait les mauvaises bactéries et les virus de pousser à l'intérieur de la brosse à dents elle-même. Peut-être que c'est vrai, peut-être aussi que c'est de la grosse bullshit, mais de toute façon, elle est noire, donc c'est cool. Elle est belle. Raciste. Ouais, mais c'est quand même avec le charbon qu'on va filtrer l'eau. Tout à fait vrai, sauf que est-ce que tu bois le charbon de ta... Tu ne manges pas là, le charbon? T'en manges pas. T'as raison. T'avales rien. Mais moi, je connais bien des gens qui vont se gargariser, mettons, qui vont brosser leurs dents avec la brosse à dents, qui vont juste gargariser, cracher et garder tout le reste dans leur bouche, puis après ça, vivre leur vie sans se rincer. Il me semble que t'es pas supposé avaler de pâte à dents du tout, non? Mais non. Non. C'est ça. Non. Il en reste dans ce temps-là. Quand tu te presses pas. Quand tu te brosses les dents, je suis content qu'il n'y en ait plus de pâte à dents sur ta brosse puis dans ta bouche, ça revient au même. Peut-être. Ensuite, on veut se masser le cou. Steph est en train de se masser le cou. Non, j'arrête de me gratter, ça pique. Ah, c'est ça, ça avait l'air un peu confus. Je me masse pas live. Donc, faites-vous masser quand vous en avez envie avec le masse-cou contrôlé par télécommande et tout ça sans fil. T'as peur, là. Tu te mets une machine autour du cou de même, là. Si jamais la machine décide de prendre le dessus sur l'homme, la tête rentre pis t'es faite. Non. J'ai vu plein de films d'horreur commencer de même avec des masse-cou. T'as juste à bien traiter ton appareil, puis quand même, il va être reconnaissant pour toujours, j'en suis certain. Donc, en appuyant sur un bouton, tu peux personnaliser le massage que tu vas avoir. Et c'est un rayon infrarouge, un far infrared ray, je connais pas la différence, qui va fournir une chaleur douce qui va pénétrer les os et les muscles. C'est pas magnifique, ça? Le Wireless Remote Control Neck Massager. Pas dangereux, ça? Je sais pas. Pour 160$, j'espère que non. En tout cas, je sais pas. Ensuite... On est, tu te lèves, t'as plus de cou. Ouais, la tête à côté sur l'oreille. C'est pour ceux qui ont un cou, là, parce que des fois, les messieurs pas de cou, les madames pas de cou, ça existe. On veut pas se les mettre à dos. Hein? Parce qu'on peut pas se les mettre à cou, de toute façon. Certainement pas. Du coup... Ensuite... Qu'est-ce que c'est que ça? Ne soyez jamais pris au dépourvu lorsque vous faites face à un cigare avec le Screw Pops Cigar Punch 2.0. C'est un appareil de la grosseur d'un porte-clés qui va performer deux fonctions cruciales, soit ouvrir des bières et couper des trous circulaires sur vos cigares pour pouvoir commencer à le fumer. On connaît tous le principe de couper le bout d'un cigare pour le fumer. Je sens que cigare et bière ne vont pas ensemble. Je dirais plus cigare bourbon. Scotch. Cigare scotch. Rhum. Cigare whisky. Ouais. Non, pas rhum. Pas rhum, je sais pas, moi. Non, mais tous les chemins mènent au rhum, c'est le pas rhum, non. Faut que ce soit ambré. Ah, ben quand même. Peut-être du rhum. Non, même pas le rhum épicé. Non. C'est scotch, whisky, bourbon. Rhum ambré, comme dans. Je vais te prendre un whisky and breakfast. Comme un black breakfast, mais c'est un whisky and breakfast. Ambré. hombre, comme un cowboy dirait hombre. Un cowboy. Cowboy dirait hombre. Non, c'est un homme, c'est le mot pour un homme en espagnol, ça. Je vois plus un Mexicain ça? Crier ça pour un cowboy. T'as raison, mais un cowboy mexicain, y a pas ça. Laurent Constantin, est-ce qu'il y a des cowboys mexicains? Oui, non. Ça existe, mais je m'en rappelle pas du nom du cowboy mexicain. Mais c'est ça, c'est pas un cowboy. Mais il s'appelle sûrement Juan. Ou Jesus! Ah, les préjugés. Pas en tout. C'est comme si tu me disais qu'il y avait, que c'est un préjugé de dire que beaucoup de musulmans s'appelaient Mohamed. C'est pas un préjugé, c'est juste un fait. T'sais? Hein? J'étais en train de dire quoi, là? Screw Pop Cigar Punch pour 15$ chez Screw Pop. Passe à autre chose. Celui-là, j'en ai parlé souvent de ce genre de gadget qui ressemble à ça. On a déjà parlé dans des cravates, on a déjà parlé dans des foulards, mais c'est un petit patch qu'on peut coller à l'intérieur de son manteau pour nettoyer son téléphone intelligent. C'est le pourquoi micro... Pas? Pourquoi pas? Le Microfiber Lens Cleanse Patch. Donc, nettoyez vos lunettes, vos lentilles de caméra, vos téléphones intelligents avec votre chandail, ça va juste éparpiller les saletés, on sait. Ouais. C'est pas la même chose avec ces superbes microfibres ultra douces, colorées, avec des patterns de tapisserie ou de rideaux les plus merveilleux. Donc, qu'on va passer au fer à repasser à l'intérieur de son manteau préféré pour le faire tenir là. Et vous allez toujours être équipé pour enlever les traces de doigts de vos gadgets. Un emballage de 3 chez Photo Jojo pour 12$. Pourquoi pas? Abordable. Pratique. Pratique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je répète tout ce que tu dis. Moi, j'avais remarqué. Ensuite, alors celle-là, là, j'en parle parce que moi, ça m'atteint particulièrement. Steph, probablement aussi. C'est une lampe Super Mario en forme de boue. C'est le fantôme. Oh, de bouse? De boue. OK. Le fantôme de Mario qui, quand tu viens de bord, il court après. Quand tu le regardes, il fait comme si de rien n'était. Ah, c'est hypocrite, hein? C'est le plus hypocrite de tous les Mario. mais c'est une lampe activée par le mouvement, Stephanie. Ah, ben un peu comme quand tu le regardes puis quand tu le regardes pas. C'est exactement ça. Donc, le fantôme préféré de tous s'est échappé du manoir hanté. Mais attention, le Super Mario Motion Sensor Boo Lamp va commencer à briller. Il va émettre une lumière plaisante qui est tout sauf épeurante pour 46,51$. À l'éclair, quand tu regardes pas, ce qui est super pratique. Ouais, bof. Quand t'as besoin de lumière, mais c'est pas ça, une chance. Serait parfait, ce serait super hypocrite. Moi, je pense que j'aimerais encore mieux ça comme principe. Ouais, mais ça sert à rien, une lampe qui éclaire quand... Mais c'est beau. Ça, c'est super beau. Vraiment. Ensuite, ça, Steph, c'est pour toi. Juste pour toi. Toi qui aimes la cuisine, qui nous fait Master Steph les mardis à 9h à Assemblage Requis. Effectivement. Comment dire le contraire? Comment contredire le maître du jeu? Donc, préparez vos repas avec l'efficacité et la grâce des professionnels avec votre sous-chef Prep Station. C'est designé par les meilleurs chefs pour être le plus utilitaire possible. C'est donc une planche à découper en bambou avec des petits tiroirs pour classer vos ingrédients une fois coupés, des tiroirs en dessous et des contenants qui vont dans les trous sur les côtés et en plus un petit contenant à rebut dans l'autre coin. Bienvenue chez Subway, nous dit Laurent avec beaucoup trop de distance de son micro. Hein, n'est-ce pas? Je le sais pas, on dirait qu'il y a pas assez de surface pour couper. Ça c'est vrai. Parce que c'est clair que les trucs vont voler sur les petits compartiments qui sont déjà sur la planche à découper. Puis ben, moi ce que j'aimerais en fait, c'est, je sais pas s'il y a ça, mais il faudrait que tu puisses mesurer la quantité d'ingrédients que t'as. Parce que moi si on me demande une tasse de carottes, ben puis je les mets là-dedans, je sais pas si j'ai une tasse de carottes. De carottes. T'aimerais-tu ça que ça coûte moins cher aussi? Oh! Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est 199,95$ de dollars. Il y a ça. Il y a des beaux compartiments. Ouais. C'est un beau comportement, le compartiment. En fait, ça donne pas grand-chose parce que le temps que tu prends à classer tes légumes, ben, faut que tu les envoies dans le chaudron pour les sauter, ça. Que de bons points vous avez là, communauté de assemblage. Ensuite, pour les tablettes, on aimerait tous jouer avec des dés à des jeux de société sur votre tablette, mais Colin, les dés, ça va scraper votre écran. Ben c'est ça, ça va. On sait bien qu'un produit Apple, rarement est-ce que l'écran va durer si tu jettes un dé dessus, et étant fan d'Apple, j'ai le droit de le dire sans avoir l'air méchant. C'est un dé Bluetooth pour vos tablettes. OK. Amener le 21e siècle dans vos dés en jouant avec un dé Bluetooth. C'est des dés faciles à utiliser, fait pour fonctionner avec toute la collection de jeux divertissants. Donc évidemment, c'est compatible seulement avec les jeux qu'ils ont décidé d'être compatibles avec le. Ah, OK. Pour pouvoir passer le temps et se connecter avec les autres. 19,99$ pour un dé Bluetooth. qui ressemble même pas visuellement à un dé. Je trouve que c'est trop 2015 avec le chiffre affiché en bleu et le dé avec des coins lumineux. Non, c'est... J'allais dire, tu trouves pas qu'il est assez cubique à ton goût? Pas assez petit, pas assez cubique, pas assez tout c'est, en noir. C'est vrai qu'il est gros, mais tu sais, si tu veux mettre la composante Bluetooth à l'intérieur... T'as pas mal le choix. Faut pas le perdre non plus, là. Aussi. Du plaisir pour toute la famille. Le cadeau du parfait. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux. Facile à installer, à utiliser. Et 6 jeux gratuits sont inclus avec le Dice Plus. Bluetooth Gaming Dice for Tablets. On continue. Vous me direz quand arrêter. Il est 8h30. 8h30, on fait un dernier pendant. Un dernier. C'est quand vous manquez d'électricité à la maison, ok? Vous voulez utiliser une chandelle, mais votre chandelle, vous trouvez que c'est pas assez flexible pour, tu sais, mettons, la pointer dans la bonne direction, mettons. La pointer, tu peux pas pointer une chandelle, là, c'est ben pas d'ailleurs. Tu vas pouvoir pointer ta chandelle avec ce support. Non, tu peux pas la pointer, tu peux la déplacer, okay. Tu peux pas la pointer. Je comprends ce que tu veux dire, mais quand même, tu vas pouvoir plus la pointer au moins que la normale avec cette lampe simili-lampe, tu sais, comme un pied de lampe, le genre de bureau. Ouais. Sauf que dedans, t'as un socle pour mettre une chandelle et tu peux te traîner. La mettre dans la direction que tu veux pour éclairer une superficie, un rond. Oh, mais tant qu'à ça, ton chandelier, tu peux le déplacer aussi. Oh, mais il serait pas dans les airs. Là, tu vas pouvoir pointer en haut de ta feuille parce que t'as ouais, puis là, il va tomber de la cire dessus, genre. C'est fait pour pas. Mais sais-tu qu'est-ce qui manque, Mathieu, à cette chandelle-là? Il manque un globe qui ferait luire davantage la chandelle, je crois. Moi, c'est ça, parce que là, la chandelle est super rose, fait que ça fait aucune lumière sur ta feuille. Là. T'as bien raison. Mais bref, ça va garder votre chandelle tout le temps à niveau et c'est flexible avec des... Bah, tu veux des... à niveau, tu peux pas pointer. Tu peux ajouter n'importe quelle position jusqu'à 24 pouces de hauteur. Fais-tu le missionnaire? Et une base avec un poids pour fournir de la stabilité et donner de la lumière ambiante parfaite pour étudier ou écrire des textes. Plus de la lumière pour dormir et écouter de la musique, ça. J'aimerais que ce soit un R2-D2 avec son petit bras qui sort, qui tient la chandelle. Ah ouais, t'as de l'imagination, toi. Moi, j'ai des tasses à mesurer R2-D2. Ah. Tu défais le R2-D2, puis c'est plein de mesures différentes. C'est cool. C'est fun, ça. C'est malade. Malade. Les liens sur assemblagerequis.com, on fait 6 messages de réponse là quand on a l'occasion de le faire à Assemblage Requis. Maintenant, on prend une pause et au retour, Laurent Constantin sera là avec le Globe en concentré. Et puis plus tard, le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Ah. Malaise. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes à Assemblage Requis en ce jeudi 5 février 2015 et Stéphanie Paradis. Louise et Mathieu Blanc. Il reste environ une heure à cette émission d'Assemblage Requis à notre semaine en cours, la semaine du 2 février. Donc c'est le moment de passer à Laurent Constantin. Voici le Globe en concentré. Salut Laurent Constantin! Bonjour Mathieu Plante, bonjour Stéphanie Barazzi. Allô! Eh oui, ça va bien, vous autres? Très très très très bien! Number 1. Numero uno. Umbre uno. Umbre uno, voilà. Donc, Laurent Constantin, t'es là pour nous parler d'un sujet de l'actualité, comme toujours. Oui, toujours dans l'actualité internationale. Et qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Eh bien, avez-vous remarqué qu'en Russie, ça va pas bien de ce temps-ci? L'économie est en chute libre. J'ai bien fait de répondre non tout de suite. Que ouais, non, c'est vraiment non. Non. À part un gars qui était brûlé à envie. C'est pas vraiment en Russie. Non, c'est ça. La Russie, on peut dire ça va mal. Le pays s'embourbe diplomatiquement et militairement dans un conflit qui n'est pas tout à fait le sien, c'est-à-dire le conflit entre l'Ukraine

back to your place? Why don't you treat me with that pretty little face? Come on, baby, why don't you live a little, laugh a little? Come on now, let's go, let's get out of here. I think we've seen all there is. Come on, let's go. Come on, baby. Come on. Don't push me out in the cold. Excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à l'Assemblage Rocky, il reste une dernière demi-heure en ce jeudi 5 février 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah oui! Et ah oui, exactement, t'as visé juste, Stéphanie. Toi qui vises toujours en plein dans le mille. C'est même pas vrai, ça. Je lance comme une fille. Ah ben ça, c'est un petit peu sexiste, je trouve, comme ouais, mais je suis une fille, j'ai le droit de le dire. Ah ok, toi aussi, okay. Tu lances comme une fille, soit dit en passant. C'est vrai. Ça, c'est juste la réalité. C'est ça. C'est chien, mais c'est réel. Non, tu vises dans le mille quand tu choisis une nouveauté dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Hey, hey, le poste d'écoute. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, ça, le poste d'écoute, c'est moi... Je m'en vais furtivement dans les locaux de Sifu. Comme un ninja déguisé en noir. Ouais, déguisé en noir. Pas en noir. Ah, comme blackface. Raciste. Ah. Je passerais tellement inaperçu rentrer dans les bureaux comme ça. Ah. Bref, Alain, il est fin, il me fait une feuille. Fait que je m'en vais écouter de la musique, de tout ce qui arrive de nouveau à Sifu. Et j'essaie de vous sortir la crème de la crème. Ah! C'est ce qu'on veut, le meilleur qui prend le dessus. J'essaie aussi d'aller avec des trucs... c'est sûr, des fois, on a des préférences, mais j'essaie d'aller chercher des trucs qui pourraient être différents de ce que je choisis normalement. Ouais. Et aujourd'hui, on s'en va avec quelque chose de quand même relax, je te dirais. Il y a du T-Beat, mais je te dirais qu'en gros, l'album est très, très relax. Donc, c'est sûr qu'on va aller dans quelque chose d'un peu plus zen. Donc, je te présente An History of Reasons de la formation Cairo. Tu sais, ouais. La ville, là, le Caire. Le Caire, ouais, ouais. Cairo. Pourquoi tu t'es-tu visé, Laurent? Ouais, c'est quand je dis Cairo, la ville, de quoi tu parles? Cairo, Cairo. Il y a pas de ville qui s'appelle Cairo. T'es Cairo, là, comme Don Juan, là. C'est pas le rapper, le Camaro aussi, Camaro. Non, non, c'est ça, c'est très loin de ça. Donc oui, la formation Cairo, qui est originaire de Toronto. Donc, si jamais vous voulez les trouver sur Google ou Facebook, hein, vous tapez We Are Cairo, question de différencier avec le reste du contenu. Donc, oui, le groupe est formé de Nate Daniels, Matt Sullivan, Caitlin Grieve, Dante Berardi Jr. et de Joel Dalton. Je crois que c'est un des frères Dalton. Ah, je okay, pense que c'est le cinquième séparé à la naissance. Il n'y a pas un seul Égyptien dans cette gang-là. Là. Pas du tout. Ils sont originaires de Toronto. Ah, c'est comme Viet Cong. Il y avait un problème. Non, il y avait aucun... C'est une thématique de politique mondiale dans ta gang. C'est un hasard total. Disso Group qui donne un nom à leur groupe. Ah. C'est à la mode. C'est donc, comme aller dehors, pas de manteau. C'est à la mode. C'est à la mode, à moins 30, à moins 31, moins 31, ouais. Moins 30, c'est pas pareil. Moins 30, tu t'habilles, moins 31, tu te déshabilles. C'est ça, tu fais le cover du Journal de Montréal à moins 31. C'est ça. Donc oui, plusieurs qualificatifs sont sortis pour caractériser leur genre musical, mais je trouve que le meilleur qualificatif est bien entendu ceux qu'ils proposent eux-mêmes hein, sur leur page à eux, c'est-à-dire du pop alternatif orchestral. Ah, orchestral, j'aime ça, tu m'atteins avec ça. Là. Ok, ah ouais? Orchestral, ah ouais? J'aime beaucoup. Ok. Oui. Ben écoute, on va aller voir si je t'atteins, tu sais, pour vrai. On va écouter les cordes. Juste les cordes. Voir des cordes.

Kingdom. Fait que tu dises comme il disait dans la chanson. The Caro. Ben oui. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était An History of Reasons. Donc oui, je viens de vous présenter deux premiers extraits de An History of Reasons de la formation Caro dans le poste d'écoute. Génial. Ouais, est-ce que ça t'a plu? Ça me plaît toujours. Il y a tout le temps quelque chose qui me plaît dans tout ce que tu me fais jouer, mais j'ai besoin de beaucoup plus de pièces que deux pour en vraiment être sûr que j'aime ça, tu comprends? C'est normal. Je dirais même que souvent, une deuxième écoute, c'est toujours agréable. C'est rare que j'écoute les chansons juste une fois avant de vraiment me arrêter mon choix. Parce que souvent, une deuxième écoute, troisième écoute, on entend autre chose qu'on n'entendait pas les premières fois et c'est là que ça va nous accrocher. Ouais. Donc, l'album de Caro est inondé dans les réverbérations lourdes des guitares et dans la douceur des voix et des accompagnements de violon. Et ça, c'est Caitlin Grieve qui joue du violon. La nouvelle collection de chansons va expérimenter beaucoup dans les sons, tout en conservant les éléments familiers du folk, de la pop et du rock que nous aimons et connaissons tous. Petit fait intéressant, l'album a été enregistré avec le producteur Nigel Aslin, qui a travaillé avec Half Moon Run. Ah, pour vrai? Cool. Donc, c'est très intéressant. Et l'album est sorti le 20 janvier dernier. Donc, oh là, on est en retard. D'habitude, on est à l'avance, mais là, on est en retard. Vraiment, je suis pas fier de toi, Stéphanie. Ah, ça, c'est pas mon problème s'ils envoient leurs albums en retard. Mais ça, ça veut dire que vous pouvez déjà courir en magasin ou sur iTunes. OK. T'as pas besoin d'aller jusqu'au Caire pour l'acheter, cette saison. Non. Donc, vous pouvez l'acheter dès maintenant. Right now. On vous attend. Mais si vous n'êtes pas encore sûr, je vous passe deux autres tunes. Ça okay. t'entend-tu? J'aimerais ça, s'il te plaît. On commence avec toi. Avec moi? With you. With you? Ah, OK. C'est-tu de la tune? C'est comme au poste d'écoute à C'est Few. C'est Few. Oui. British Columbia, and though you come from a different place, you see the good in all of us. And though I remember so little, I remember I was just a little ball of trust. And every time that I go back, I see the face that put up much of us. And though I felt so hard for you, I promised myself that no enough was enough. Yeah, every time I look at you, I see the face. Anyway, to get inside, an invitation to the light. Age, sexe, race. Ah! Hein, ça finit comme tac, hein? Fait faut que tu me dises tac toi aussi. Tac. Tac, tac, tac, tac. Non, c'est ça, c'était age, sexe, race. Et race, j'imagine, pour la race, c'est pas pour la course. Ça, on sait pas. Fallait écouter les paroles pour ça. Non, mais je me. Tu sais, je dis, si tu regardes le reste du titre, là, je trouve que c'est plus comme cohérent. Et on a ouvert le blog avec With You. Et tout ça, c'était de Kero. Tiré de leur album An History of Reasons dans le poste d'écoute. Il y avait du bon là-dedans, je te dirais pas que ça m'a fait triper autant que d'autres affaires que t'as apportées, mais je te dirais peut-être la deuxième à date et celle que je préférais. Je te dirais Kingdoms et With You ont été mes deux préférés. Clairement, moi aussi. Ouais, ouais. Voilà, on s'entend là-dessus. Le poste d'écoute, on fait ça les jeudis à 9h. Voilà. Merci Steph. Hey, ça me fait plaisir. Maintenant, on peut ramener un peu Laurent Constantin qui tantôt me demandait quand est-ce qu'on recevait le nouvel album de Galaxy. Ah oui, quand est-ce qu'on reçoit ça? On en reçoit ça quand? Je le sais pas. Je viens de voir, il sort le 24 février. Ah ben, ça s'en vient, ça, c'est dans moins d'un mois. On a déjà la liste de toutes les chansons sur leur Bandcamp, si on veut. Donne-moi les titres. Zulu, Robolinx, Dragon, Interstice, Portugal, Champ de Mine, Tank, Baron, Minotaur, Pétrole Brut. Hey, ils ont de l'originalité dans leur titre, eux autres. Ouais, c'est, Je sais que Zulu, c'est le nom de l'album. Mm-hmm. Donc, on va l'entendre, l'extrait Robolinx, tout de suite. Yeah. Le seul qu'on a, on l'écoute, à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. Yeah! The Galaxy! Wow! Wow! C'est comme dans la pub des palmarès quand JP fait wow! C'est donc ben bon! C'est ma semaine, man! Non? OK. Fallait être là. Galaxy Robolynx. Assemblage requiert du Galaxy. 24 février, Laurent, tu me disais la date de sortie. C'est bien ça. Génial. C'est intensément bon. Ouais. Vraiment. Ça arrête plus d'être bon. C'est fatiguant quand c'est bon. Ça fait un petit peu penser au dernier album, je trouve, les sonorités. Oui, oui, oui. Les voix féminines. Exact. Ah, malheureusement, c'est la fin pour Assemblage Requis cette semaine. Là, là. Là, directement dans une minute plus une chanson. Nous serons de retour lundi entre 6h30 et 9h30. Lundi, on a David Ferron et sa chronique musicale du monde. Hé, on s'ennuie, c'est ça le pays. C'est vrai, ça. C'est ça fait raison. Longtemps, là. Ça fait un bon petit bout et on le perd une fois de temps en temps. On risque de ne pas l'avoir à chaque semaine, donc on va en profiter quand il sera là. Restez sur nos ondes. À 11h sera Dîner de con avec Danny Janvier, l'émission qui joint l'inutile à l'agréable. À 13h, créateur de son. À 16h, palmarès du monde en direct avec David Ferron. À 17h, c'est la rediffusion du Mathieu Planchot et c'est Radio Soleil qui termine la soirée à 21h. Mais restez là dans quelques instants, ce sera Génie en liberté à partir de 9h30 avec Samuel et Stéphanie. Pas toi, l'autre. Non, non, moi, je... C'est ça. J'aurais tellement pas quoi dire. Non, c'est... On se quitte avec André Papanicolaou et son nouvel album, Strange Nights. On se quitte avec l'album au complet? L'album au complet. Non, la pièce Disposable. D'accord. Une pièce jetable, je crois, comme notre émission. À lundi. Merci, Laurent. Toujours un plaisir. Bye. There's something going on.